musique, des gens bien sympathiques, la lumière aux fenêtres, à manger chaud. Peut-être alors j'ai dit, je peux entrer, les volets sont baissés. Alors j'ai dit, je peux entrer, les volets sont baissés. De mon groupe fétiche, j'ai pas de billet à la caisse, alors je souris à l'hôtesse. J'ai dit, je peux entrer, mais le vigile m'a jeté. Et j'ai dit, je peux entrer, mais le vigile m'a jeté. Je ne sais